Unité 0, 1, 2, 3, couleurs. Activité 2. 1. Il est noir, jaune et rouge. 2. Il est bleu, blanc, rouge. 3. Il est rouge avec une étoile verte. 4. Il est vert, jaune et rouge. 5. Il est rouge avec une croix blanche.